va pas, c'est quoi là? Chut, fiston, chut. Je respecte. C'est grâce à lui si tu parles pas allemand aujourd'hui.